un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi tu sais pas toutes les peines qu'on peut endosser. Je sais, tu me diras, y'a pire que moi plongé dans le fossé. Au fond c'est du chacun pour sa pomme. Et si je pense ça comme, c'est que par ici tout le monde veut gratter sa com. Ça veut ramener la tonne, cherche pas c'est dans la tome. Moi j'en vois que des grosses frappes, Olivier Hatton. Ne t'étonne plus si les petits veulent tes baskets, ta caisse, ton espèce et ton pull. Et c'est tant pis, je suis navré de voir qu'on est dirigé par tant de pitres. Je rêve d'exil, comme tout le monde je cherche l'exit. On s'excite, mais ma vision est trop floue. Presbyte, regarde ce que suscite la course à l'oseille. Plus de rancœur, y'a que les clopes que je garde derrière l'oreille. Conscient, inconscient, faut que de l'amour pour nous sauver. On a assez donné dans le malheur, il est temps de se sevrer. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Je m'occupe pas de vodka, tu comprendras sous vodka. Un de ces soirs à refaire le monde en disant qu'on nous rodka. Regarde le rolka, l'état toujours dans son cinéma. Je pensais vraiment pas que la France serait aussi vénale. Man, je suis né allé, je dois bien faire jusqu'au funérailles. Je monterai pas dans leur wagon, c'est pour ça que j'ai fui les rails. Je vais pas m'excuser, vu qu'on est coupable avant d'être accusé. Putain, je suis usé, besoin d'espace, frère. On s'est abusé, trop de cerveaux comprimés qui ont fini sous comprimés. Et ces images hardcore qui restent à jamais imprimées. Marquées par la vie, on sait déjà qu'il faut rentrer par la vitre. Bercé par la zig, je vais m'éloigner de tous ces parasites. Si je suis pas ravi, c'est peut-être parce que je cherche encore. Comme un accord, mes doigts glissent sur la corde. J'essaie de faire au mieux, au mien je veux faire honneur. Voir l'étincelle dans leurs yeux ferait mon seul bonheur. Tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui.